tranquille les gros, c'est du GTA, anonymat mon frère, un truc beatbox, c'est la HNT mon gros, t'as pas le mental cousin, ok. Ok beatbox, moi c'est SP en acronyme, j'suis en galère mais j'ai le mental, tout ça dans l'anonyme. Je traîne avec la cine, un gros plutôt troupi et Scooby-Doo, chacun son os gros, t'as pas curieux, ouais sur Scooby-Doo. J'ai la rage, t'es pas les rissés, j'ai le symptôme, ouais j'suis cabot, je tiens la spi en l'aide et j'tourne en rond dans mon calbo. Tu t'as ta hache à combattre, gros que quand t'as ta hache, la SPA me recrute, carrière sopi quand t'as tout hache. J'arrête de te plaindre et de dire que c'est la HNT, si tu bouges pas ton cul, tu pars toute la journée à tchatcher. Les chaussettes différentes et souvent les poches retroussées, c'est qu'une partie de ma vie soulevée tôt que j'ai. On a tous au moins une fois été confronté à la chienneté. Dans ces moments où tu te contentes seulement de tes 5 doigtés. Quand tu soupires ça va trop vite et que t'as pas d'endurance. Juste un conseil cousin, pose-toi sur la bande d'arrêt d'urgence. Quand tu découvres petit à petit que t'es dépendant d'une chose précise ou indécise, mais pas d'argent pour le moment. Quand tu te retrouves perdu comme ces touristes venus d'ailleurs, quand l'occasion de ta vie démarre sans toi, t'es pas venu à l'heure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise pour s'en sortir, y'a que des cul de sac. On tourne en rond comme c'est tournante, mais en évitant le crash. En bref, on est des clefs avec la barre derrière ces chats. J'ai pas le bourreau si je bave pas, yeah. Par contre j'ai yeah. J'écrase. Hey yo cousin, y'a pas ténor ici, en chien dur de tenir assis. On veut la vie de Tino Rossi, mais l'état veut ôter nos racines. La vie joue sur tes nerfs aussi, faut qu'on parte encore se va. On est en chien, putain y'a pire, regarde ce que porte un Kosovar. Évidemment on rêve de la technologie de Toshiba. À notre Johar n'y touchons pas, la crête a vendu touch en bas. Et devant les belles touch en bas, à la façon d'un vieux clébard. On passe pour des toutous sur tous, y a standing. Avec les bas, j'ai envie de m'évader, mais je vis de mauvais délire. Mauvais délire, ça me fatigue, donc si je m'en vais du lit. Dès lors, la chaîne, j'suis dedans, je vis de rien, j'ai la vie d'Adam, J'suis en chien à l'école, parce que j'apprends pas mes leçons. J'me gratte la tête, gros, en galérant devant les questions. À 17 ans, j'avoue que ma vie est attirée vers le fond, où certains se sont déjà entassés. Mes blèmes traînent en vente, à mes neurones y mettent des coups. La chaîne T est présente quand la galère nous joue des tours. Mon cœur a toujours été vide, comme à cheerleader. La chaîne T fait que dedans, je ne peux investir, j'suis en chien. C'est la merde quand les soucis me caressent. On leur laisse, les tracas se promènent dans ma tête. On est tous en chien, gros, le Dicard est devenu une fourrière. La chance nous visquer, alors la poisse fait qu'on ne fout rien. La chaîne T me tue en l'air, j'ai mon collier autour du cou. Comme Danny, offensif, c'est des points qu'faut en découdre. La chance s'est fait castrer les couilles, puis le droit d'enfanter. Tenté par la facilité, ça sent trop danger. Ok, en chien, à l'école, comme un mec qui copie. Quand t'as pas de chat ou encore quand t'as pas de copine, tu traînes la caravane et pètes une case un peu comme Cody. Quand tu 205 et que tu rêvais d'une Audi. Les caves sont des niches, on y tape un squat ou une biche. Cours pas après le bâton, mais enterre tous les soucis. À 4 pas, prends la chaîne avant qu'elle te guide comme l'aveugle. Je remue la queue, pas de joie quand je les sors sur mon territoire.